Sur la route de Nantes, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Sur la route de Nantes, il y a un prisonnier, piou, piou, il y a un prisonnier. Personne ne va le voir, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Personne ne va le voir, que la fille du geôlier, piou, piou, que la fille du geôlier. Elle lui porte à boire, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Elle lui porte à boire, et à boire et à manger, piou, piou, à boire et à manger. Et des chemises blanches, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Et des chemises blanches, et quand il voulait changer, piou, piou, quand il voulait changer. Ah, dites-moi, madame, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Ah, dites-moi, madame, et ce que l'on dit de moi, piou, piou, ce que l'on dit de moi. L'on dit par toute la ville, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. L'on dit par toute la ville, et que demain vous mourrez, piou, piou, que demain vous mourrez. Puisque je dois mourir, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Puisque je dois mourir, ah, laissez-moi les clés, piou, piou, ah, laissez-moi les clés. La fille dans sa jeunesse, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. La fille dans sa jeunesse, et laissa toutes les clés, piou, piou, laissa toutes les clés. Quand il fut sur la route, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Quand il fut sur la route, et il se mit à chanter, piou, piou, il se mit à chanter. Je me moque des juges, et roux, piou, piou, piou, piou, piou, piou. Je me moque des juges, et des bonnets carrés, piou, piou, et des bonnets carrés.